Un gars de Talbot-Mistassini, Jean-François Lavoie, a réussi un exploit quand même, un exploit assez hors de commun. Ça s'est passé il y a environ 2 semaines à Hawaï. Il a grimpé le plus haut volcan du monde. Question de savoir un peu comment ça s'est passé, quel est le trip, pourquoi faire ça, on lui parle. Salut Jean-François. Salut dame. Jean-François, d'abord, t'as grimpé, t'as pas réussi à tout grimper effectivement, mais le but de ça, c'était quoi au départ? Ben, moi et ma conjointe Daisy, on aime ça, on voyage, on aime ça s'accomplir, se surpasser. On avait une opportunité qui était là. C'était quelque chose d'assez, en tout cas c'était complexe pour l'organisation parce qu'il faut traîner son vélo, ça prend un entraînement pour ça. Mais c'est parce que c'est quelque chose qui était complexe. Le Mauna Kea, la montagne, est toujours cotée dans les 10 montagnes les plus difficiles du monde. Okay. Pour les ascensions en vélo de route. Okay. Donc c'était un accomplissement pas un objectif, c'était pas une course. C'était juste pour essayer justement de s'accomplir, voir les limites, puis se tester un petit peu. Puis ça a été une super de belle expérience. OK. Mais quelle sorte d'entraînement que ça prend? Tu m'as parlé d'un entraînement spécial pour ça. C'est quoi l'entraînement? C'est beaucoup les montagnes, j'imagine? Tu peux pas t'entraîner à Talbot-Mistassini, il n'y en a pas beaucoup. Ben là, ce qui est spécial, j'ai un home trainer, une base d'entraînement directement dans la maison chez moi, fait que je suis capable de m'entraîner... automne, été, hiver, puis même pas en période d'été, là, c'est beaucoup plus facile de s'entraîner dans la maison. Ah oui? Pour niveau sécurité, c'est plus simpliste. Mais... On n'a pas le problème des voitures, on n'a pas... Tu es capable de créer le wattage exactement que tu veux, la période, tu sais, t'as pas le facteur vent, t'as pas le facteur du trafic. Attitude. Oui, mais t'as pas l'attitude qui doit être très, très, j'imagine, présente dans une aventure comme ça? Ouais, là ça là-dessus, par exemple, sur l'entraînement, j'ai essayé de reproduire un peu ce que je pensais, parce que comme on avait discuté un petit peu, il y a 2 ans, on avait été à Maui, sur une autre île d'Hawaï, puis j'avais monté un sommet à 3 200 mètres. Ça avait relativement bien été, ça avait été hyper dur. Enfin, j'avais essayé de reproduire les mêmes conditions d'entraînement pour pouvoir réussir à arriver à la même chose, mais ça a été beaucoup plus complexe le Mauna Kea, du fait que les pourcentages de pente sont beaucoup plus agressifs, puis c'est beaucoup plus long. C'est très, très, très, très, très, très ardu. Fait qu'au niveau du training, je dirais, j'ai réussi, mais c'est parce que au départ, on a peut-être un 40-45 km avec un pourcentage qui varie entre 4, 5, 6, 7 %, ce qui est quand même quelque chose d'acceptable. Mais là, ça fait quand même, ça prend peut-être un 2 heures, 2 heures et demie du vélo pour pouvoir se rendre jusque-là. Mais là, par la suite, les pourcentages... On devient dans du beaucoup plus agressif. Fait qu'on tombe dans du 10, 12 avec des pointes qui vont à 16, 17, 18 puis sur des longues périodes de temps. Okay. Fait que je fais mon parallèle avec l'entraînement, parce que j'avais réussi à reproduire. Ben, j'avais mis du wattage à longue intensité, mais je pensais pas que ça pouvait demander autant de wattage que ça. Puis l'effet d'altitude en plus de ça par-dessus le marché, mais c'est que t'as comme un effet de compression de la cage thoracique. Fait que ça devient extrêmement difficile de trouver son air dans ce cas-là. Quand on parle du plus haut volcan, parle-moi de la hauteur là, que tu as grimpé. Parce que tu n'as pas réussi à grimper au complet, il est arrivé une avarie. Mais normalement, si tu aurais réussi, c'est quoi le plus haut volcan en hauteur? Ben, pour te donner une image, là. Ouais. Le volcan à base, là, il est émergé. Si tu pars au niveau de l'eau, puis aller jusqu'au sommet, c'est 4200 mètres. Mais si tu pars à la base du volcan qui est submergé, Le Mauna Kea, il est plus élevé que l'Everest. Là. C'est à 9000 mètres, 9000 quelque chose mètres. Là. Fait que c'est incroyable de monter, c'est extrêmement haut. Ça prend combien de temps à peu près monter ça, normalement? Ça veut des jours et des jours, j'imagine? Non. Ben... Ouais. On est parti le matin aux alentours de 7-8 heures. OK. Il faisait super beau quand on est parti le matin, mais on a vu le sommet, ce qui est extrêmement rare parce que normalement le sommet est caché par les nuages, fait qu'on le voit que très rarement. On a réussi à le voir une fois ou deux dans tout le temps du voyage qu'on était là. Ben, tout regardait super bien quand on est parti le matin. On est parti au niveau de l'eau, à zéro d'altitude, pour monter. On a monté jusqu'à 3000 mètres environ. Puis on s'est fait arrêter parce que c'est un parc national, puis il y a beaucoup des rangers, des gardes de parc. Puis on s'est fait bloquer à 3000 mètres d'altitude parce qu'il y avait une tempête de neige en haut. Fait que on est parti à zéro, il faisait 30 degrés. Okay. C'était humide, c'était chaud. On a monté, maintenant, on est rendu à 10-15 degrés, à peu près aux alentours de peut-être 1500-2000 mètres. De ça passer 2000 mètres, ben... Ouais, ça t'a pris combien de temps, 3000 mètres, de monter 3000 mètres à peu près? Ça a pris 4h17 de vélo, exactement. OK, à une vitesse de combien? Eh, tabarnouche, que c'est pas vite. C'est à peine plus rapide que 10 km/h. Ça varie entre 10 et 12 km/h. OK. Puis dans les portions, là, quand on tombe dans du 16, 17, 18 degrés en état de fatigue, c'est à peine plus rapide que de la marche. OK. Puis ça a tellement été dur parce que je reprends à Maui, il y a 2 ans, ça avait été beaucoup plus facile. Ouais. Et quand on tombe dans le 16, 17% de pente, je n'étais même pas capable d'aller en ligne droite, il a fallu que je zigzague. C'était tellement difficile, là. C'est en tout cas. Incroyable comme expérience, comment est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être dures dans la vie, mais ça, c'en était une. C'est l'attitude, j'imagine, qui rend suffocante cette activité-là, hein? Ouais, ça, c'est... tu sais, au Lac-Saint-Jean, on n'a pas l'opportunité, ouais. Vraiment, de peut-être le parc des Laurentides ou même avec... c'est rien comparable avec ça, là. Puis c'est rien comparable mais avec non, ça. Non, il n'y a rien qui se compare avec ça, là. Ouais. C'est... Même le parc des Laurentides, là, c'est une bagatelle en tant que telle. Là. C'est, ouais. En tout cas, il n'y a rien de comparable, puisque c'est un effort qui demande un effort intense, donc beaucoup de d'intensité de wattage, de la force, sur une longue période. Mm. Alors, on n'a absolument rien. Tu sais, la côte du Cran en Saint-Prime, Roller-Val, là, c'est... ouais, ouais. Dis-moi, tu t'entraînais fort. Est-ce que c'est tu es allé il y a 2 semaines environ, tu étais là-bas à Hawaï avec Daisy Dumais qui travaille pour la ville, les gens la connaissent bien. Est-ce que c'est le temps idéal, février, pour faire le genre d'excursion ou c'est vraiment parce que tu étais en vacances puis c'était à cette période-là que tu pouvais là? Idéalement, pour si j'avais voulu là pas me faire bloquer à 3000 mètres là, la période d'hiver, parce qu'il y a le Mauna Kea en altitude, il y a une période d'hiver quand même aussi, où est-ce que c'est au mois de janvier, février, mars, ouais. Le sommet est toujours enneigé. Par contre, plus qu'on avance dans l'année, la neige diminue. Ça veut dire que si j'avais voulu prendre ça plus safe, puis justement être sûr de me rendre au sommet, ça aurait été plus judicieux de le faire peut-être aux alentours de justement mai-juin. OK. Mais dans ce cas-là, ça veut dire que quand tu pars à zéro d'altitude, ben, au lieu d'être 30, ben, peut-être que tu vas avoir beaucoup plus de chaleur puis beaucoup plus de. En tout cas, c'est un double tranchant, là. OK. Il faisait combien quand tu as monté? On est parti à la base. On est parti. Ouais, il faisait 25-26. Il faisait peut-être ressenti, mettons, 30-32. OK. Puis on monte, ça prend peut-être une demi-heure, puis on est déjà. Une demi-heure de vélo, puis il fait déjà en bas de 20 degrés, là. C'est quand même assez rapide, là. OK, OK. Dis-moi, si tu aurais à le refaire. Est-ce que tu le referais différemment? Est-ce qu'il y aurait un entraînement? Là, tu sais maintenant. Est-ce que tu ferais différemment ton entraînement? Ben là, c'est... Oui, c'est, on lit beaucoup hein, sur les forums comment les gars sont organisés, puis comment ils ont fait les expéditions, puis ils donnent le conseil. Bon, il y a une chose que les gars que je m'entraîne, je sais ce que je vaux, je suis quand même pas si mal que ça sur le vélo, je me débrouille un petit peu, mais c'est que les gars, ils disent pas tout. Fait que, moi, je suis parti le matin vers 7-8 heures, je me suis tapé toute d'une traite, on a fait à peu près 45 kilomètres, des îles, puis je vais revenir, je vais expliquer comment c'est le déroulement de ça, comment ça s'est fait, là. Mm-hmm. Mais les gars, ils comptent pas qu'ils prennent des breaks à peu près à toutes, ils font 15-20 minutes, puis ils prennent un break, puis ils font, mettons, une demi-heure, ils prennent un break, ils font un kilomètre, ils prennent un break. Okay. Mais ça, moi, je l'ai compris quand on est arrivé dans la portion beaucoup plus difficile, parce que avec le manque d'oxygène, avec l'effort que ça demandait... C'est complètement... en tout cas, l'excuse d'expression, c'était de la folerie un peu. Quand j'étais rendu là, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que les gars, ils font pour faire ça? Mais c'est parce qu'ils arrêtent. Ils arrêtent, ils se reposent, puis ils repartent. Ça arrête, ils se reposent. Tu sais, le dernier bout que j'ai fait, là, le dernier segment de portion, parce qu'on a arrêté 2 fois avec Daisy, il restait 1,4 km. OK. Puis 1,4 km pour se rendre jusqu'à, justement, il y a un centre d'observation, justement, pour les visiteurs, tout ça. Et pour se rendre là, 1,4 km, ça valait d'un effort, j'aurais dit, de courir un demi-marathon pour faire 1,4 km, l'oxygène, l'altitude, puis l'effort demandé. Mmh. Mais la gestion de l'énergie, je ne l'ai pas bien fait. Il aurait fallu que, justement, on se dise, ben, gars, à toutes les demi-heures, on va prendre 5 minutes de repos, on va s'hydrater, on va se nourrir, on va s'alimenter comme il faut. Alors que moi, ben, gars, je suis parti, justement, aux alentours de 7h30 du matin, je me suis tapé à peu près 2h30. Les yeux de me rejoindre, j'ai remis un chandail, s'hydrater comme il faut, manger un peu, en tout cas. Fait que c'est la gestion de l'énergie, j'ai pas été correct, là. Il aurait fallu que je fasse beaucoup plus discipliné que ça, au lieu de penser de clencher ça le plus rapidement possible, là. Mais en tout cas, Ça, c'est, j'ai une tête dure là-dessus. Dis-moi, Daisy était, parce qu'on s'est parlé, moi je l'ai su par Daisy, on s'est parlé par Messenger comme on s'est parlé tantôt, là. Elle semblait être inquiète. Est-ce qu'elle exagérait un peu ou il y avait vraiment un danger? Ouais, ça, encore une fois, quand que, ben, gars, je vais faire un parallèle encore. Ouais. Quand on avait Tamoui, j'étais parti. Encore une fois, j'avais lu ces forums, comment les gars ils avaient planifié le truc, puis comment que ça se passait normalement, puis le déroulement, puis les gars montaient jusqu'en haut. Il y a un côté amateur de la personne qui est comme moi, puis il y a le côté qu'il y a des professionnels là-dedans aussi, puis il y a du monde beaucoup plus en forme que Jean-François Lavoie, sa planète. Puis je le comprends quand je tombe dans ces affaires-là. Quand on a fait Maui, c'était une ascension, justement, peut-être encore une fois, de 60-65 km avec 3200 mètres. Okay. J'avais dit à Daisy, ben gars, ça va me prendre un 3-4 heures, je vais monter puis je vais redescendre. Mais j'ai jamais redescendu, parce qu'en haut, il faisait aux alentours de justement 5-6 degrés, puis j'avais vraiment pas le goût de descendre, puis Daisy ben, avait décidé de venir me rejoindre puis de me suivre. Okay. Fait que j'aurais pas redescendu, j'étais même pas équipé pour ça. Fait que Daisy est venue me rejoindre. Là, un, c'était sûr et certain que si je réussissais à me rendre au sommet, je redescendais pas. Là. C'est parce que des épreuves, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Ensuite de ça, une descente aussi agressive que ça, j'ai des jantes aluminium à sélectionner les freins autant que ça sur l'aluminium. D'après moi, mes roues auraient éclaté, malgré la température qui était froide. Là. Fait, au niveau discipline, là, alimentation puis sécurité, faut être absolument accompagné là, pour ce type de choses-là. OK. Donc, alors, il y aurait, dans les circonstances, il y avait un danger. C'est ce que tu m'as dit, t'étais mal préparé parce que justement, t'as fixé le forum, puis sur le forum, on dit pas tout. Donc, dans le fond, oui, il y avait un danger, c'est certain. Là. Impossible de se rendre là à quelqu'un qui voudrait partir en autonomie, là, faut qu'il traîne des sacs à bagages sur son vélo ou un truc de même, parce que sinon, à partir au départ, là, quand il fait 30 degrés, ben, l'effort qu'il te demande, ben, tu bois de l'eau, c'est même pas compréhensible comment est-ce que tu peux boire. L'énergie que ça te prend pour manger les bananes, les bortandes, tout ce que tu veux, mais maintenant, ça prend quelqu'un pour te ravitailler. Ben oui. Le linge, les gants, le chandail, le coupe-vent, la tuque, les gants doublés, tout ça. Ben, c'est Daisy qui s'est occupé de tout ça. Ben, nous autres, pendant le voyage, ben, mon petit gars était là. Il y avait Josée, la cousine à Daisy et moi. Ouais. Puis c'est drôle parce qu'on a justement connu un monsieur qui nous comptait, un producteur de café, tu sais, il comptait un truc, il dit, vous êtes une compagnie présentement pour votre voyage, ça dure 2 semaines, vous êtes une compagnie, vous organisez. Parce que moi, j'avais dit à Daisy, c'est sûr que mon gars, il vient. On a un petit gars d'un an et demi, c'est sûr qu'il monte. Ce voyage, on part là-bas, c'est sûr qu'on l'amène parce que justement, je travaille à l'extérieur, je le vois pas souvent. C'est sûr qu'on l'amène. Mais là, on était chanceux parce que la cousine à Daisy, elle nous a accompagnés pendant le voyage. Fait qu'on a eu l'opportunité de faire ce truc-là. Mais la compagnie, ça veut dire Daisy, moi, puis José, avec Lionel, on était un tout, là. Si on enlevait un élément, ben, c'est sûr que moi, je partais pas si Lionel était pas là. Si José était pas là, ben, on pouvait pas monter parce que Lionel, l'altitude pour un bébé, c'est quoi? C'est 8 ans et moins. Ce qu'on disait, tu peux pas dépasser 2000 mètres. OK, monsieur, OK. Okay. Parce que c'est dangereux pour les oreilles, là. Ben oui. Vu que l'enfant est en développement, fait qu'on pouvait pas excéder 2000 mètres. Donc, rendu là, ben, on a eu une opportunité. Notre travail d'équipe, ben, le timing était juste parfait. C'est juste de valeur qu'on a eu la tempête de neige. Puis la journée, nous autres, c'était là. C'était-tu une grosse tempête? C'était-tu une grosse tempête? On parle de quoi, là? C'est-tu comparable aux tempêtes qu'on a ici? Ben, le hic, là, c'est que les routes là-bas, là, c'est pas comme nous autres, hein. Les voitures, tu sais, ils ont pas des pneus d'hiver. Non, okay, parce que c'est l'été tout le temps là-bas. Le sommet, là, quand il y a eu la tempête de neige la journée qu'on est monté, puis ça a été refermé par la suite, là, 5 à 6 jours en ligne. Puis il a rouvert peut-être. Puis quand ça l'ouvre, là, c'est toujours des courtes périodes, là. C'est des affaires de 2-3 heures pendant l'hiver. Ouais. Puis quand la tempête de neige pogne, là, c'est impressionnant parce que le ranger vient de voir tout de suite. C'est le gars, il commence à neiger, tu descends, tu niaises pas. Parce que si t'es poigné pour descendre la montagne avec des pneus d'été, ça ira pas bien. Là, ça prend pas 6 pouces de neige. Là, ça prend un pouce, puis tu passes droit. Puis... C'est-tu touristique? C'est-tu ce volcan-là? C'est-tu... Ben, j'imagine que c'est des gens un peu capotés comme toi, Daisy. C'est l'aventure qui tripe aventure. Mais il y a combien de monde qui, par année qui font ce genre d'exercice-là? À l'ascension du Mont Akea, il n'y a pas des millions de personnes. Là. C'est assez restreint comme truc. Là. En fait, c'était pas une course. Mais ce qui était drôle, c'est que quand, pendant l'ascension, il y a beaucoup de touristes qui montent en voiture puis qui vont jusqu'au centre touristique. Puis si c'est ouvert, ben ils vont jusqu'en haut du sommet. Je me faisais klaxonner puis le monde m'encourageait. C'était hyper spécial comme feeling. Sérieusement, ça, c'était vraiment, vraiment pas pire. Okay. Quand on est arrivé en haut, au centre d'information puis le centre touristique puis d'interprétation, ben, il y a le monde qui me prenait en photo. Ça, j'avais trouvé ça drôle. C'est mais donc, il y a quoi? En tout cas, je vais avancer un chiffre, mais il n'y a pas 1000 personnes par année qui font ça, ça c'est sûr et certain. Là. OK, monsieur. Parce que, non, c'est très, très, très restreint. Là. C'est pas quelque chose qui est accessible du tout. Là. Fait que je dirais peut-être quoi, une couple de 100 peut-être, là, mais pas plus que ça. C'est-tu ton plus gros trip et est-ce que tu le referais? Ah oui, mais là, c'est parce que c'est pas une réussite. Moi, je voulais mettre ça dans le cocher quand c'est fait, mais là, je ne l'ai pas coché. Je me suis fait arrêter. C'est un aléa, c'est le genre de choses que je contrôle pas. Si j'ai l'opportunité de le refaire, c'est sûr que le vélo va suivre encore des bagages puis qu'on va le réessayer. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Okay. C'était un trip de vie. Là. C'était, c'était juste extraordinaire. OK. Ben Jean-François, félicitations. C'est assez particulier comme expérience que tu as fait avec ta conjointe Daisy Dumais. Au plaisir de se reparler. Puis gêne-toi pas si tu fais d'autres exercices semblables ou aussi capotés, là, on est là pour ça. Ben, en tout cas, je pourrais même parler. Je pourrais te faire une petite parenthèse. Ouais, l'année dernière, avec ma conjointe Daisy, on a fait un swim run. On a fait un voyage en France. Cette fois-là, on parle de trip capoté. Okay. En fait, ça, c'est la plus belle chose que j'ai faite. Okay. L'entraînement nage-course avec Daisy. On s'était fait une compétition en France. On avait fait, c'est l'équivalent d'un demi-marathon, mais qui combine de la nage et de la course, puis on fait des transitions. Okay. Ça a été juste génial. La plus belle compétition que j'ai faite de toute ma vie. Ça s'est passé là. On l'a terminé en plus de ça. Où est-ce qu'on est attaché en plus avec moi puis des zones attachées par une corde, puis il faut suivre pour une distance d'un demi-marathon. Ça a été extraordinaire. L'entraînement avant et la course, c'est juste génial. Ce que je recommande à n'importe qui là, de triper. C'est un plus beau trip que j'ai fait de toute ma vie, c'est ça. Ben bravo. En tout cas, si gêne-toi pas, c'était quelque chose d'aussi capoté qui s'en vient au cours des prochaines années. Super, merci beaucoup. Voilà, Jean-François Lavoie de Dolbeau-Mississippi qui a monté le plus gros volcan au monde entier.